Chapitre 33e. Lorsque Thérèse sortit de l'hôtel, accompagnée de son garde national, la canonnade se faisait entendre sans relâche du côté des ternes, de Neuilly et d'Asnières. Au roulement des mitrailleuses se mêlaient les feux de peloton et les détonations de l'artillerie. Thérèse marchait si rapidement que son compagnon, qui venait derrière elle, avait peine à la suivre. « N'ayez pas peur, dit-il, les obus des Versaillais ne viendront pas jusqu'ici. » Marchant ainsi, ils arrivèrent à la rue Castiglione. Le garde national avait fini par rejoindre Thérèse, et de temps en temps, comme un homme communicatif qu'il était, il faisait part de ses observations. En apercevant l'énorme barricade précédée d'un large fossé qui obstruait la rue, il laissa échapper un geste d'admiration. « Voilà de la belle ouvrage, » dit-il, puis en passant devant la colonne, il lui montra le poing. « Vous savez, » dit-il, « on va lui enlever le ballon. » Mais Thérèse n'écoutait pas. Elle allait toujours de son pas léger, respirant à peine. Ils arrivèrent à la porte de la banque. La grande inquiétude de Thérèse était de savoir si elle trouverait quelqu'un pour lui répondre. Il n'y avait pas un seul client dans le grand salon, autrefois plein d'étrangers, qui venaient là lire les journaux et faire leur correspondance, mais quelques employés étaient à leur poste. Parmi eux, Thérèse reconnut un jeune Américain qui souvent était venu à l'ambulance. Elle alla à son guichet. « Pouvez-vous me payer en or un chèque de 10 000 francs ?» demanda-t-elle. L'employé salua poliment et dit qu'il allait voir si ce paiement était possible. Presque aussitôt, il revint dire que les 10 000 francs étaient à la disposition de Mademoiselle Chamberlain. Elle prit les 10 rouleaux dans ses deux mains et les déposant sur une table. « Les lettres ?» dit-elle. « C'est vrai, tout de même, » dit le garde national avec un geste d'étonnement. Et de nouveau, ayant déboutonné la ceinture de son pantalon, il prit dans sa cotte 2 lettres qu'il déposa sur la table. Vivement, Thérèse les saisit et chercha celle qui lui était adressée. Puis, après avoir mis celle de Michel dans sa poche, elle ouvrit d'une main tremblante celle qui portait son nom, et sans faire attention à son garde national, qui engouffrait ses rouleaux dans sa poche, elle commença à lire debout au milieu du salon. « Prison de Mazas, cellule numéro 40, 9 avril 1871. « Chère Thérèse, après un si long silence, je puis enfin vous écrire avec espérance que ma lettre parviendra entre vos mains. Qu'avez-vous pensé de ce silence? Par quelles inquiétudes, par quelles angoisses avez-vous passé, vous et mon cher oncle? J'ai le cœur serré en pensant à ce que vous avez dû souffrir, n'apprenant rien de moi, malgré vos recherches, car je suis bien sûr que vous m'avez cherché. Vous m'avez cru mort, n'est-ce pas? Vous savez que le jour où j'ai disparu, j'étais parti le matin pour aller à Versailles. Après avoir pris mon billet pour Saint-Denis, j'étais rentré dans la salle d'attente où ne se trouvait personne. Il me sembla que quelques gardes nationaux venaient regarder dans cette salle et fixaient leur regard sur moi, mais je n'y pris pas autrement attention. Un officier galonné, ouvrant la porte sur le quai, vint à moi et me demanda si j'étais bien le colonel Chamberlain. Sur ma réponse affirmative, il me pria de le suivre, pour un renseignement qu'on avait à me demander. Sautement, et me figurant qu'il s'agissait de quelqu'un qui se réclamait de moi, je le suivis. Nous sortîmes de la gare, lui en tête, moi derrière lui. Il me conduisit à une courte distance de là, dans une sorte de bureau de police, où se trouvaient des gardes nationaux qui jouaient aux cartes, et s'approchant d'un autre officier plus galonné encore, il lui parla à l'oreille. Alors celui-ci, venant à moi vivement, me dit que j'étais accusé d'entretenir des intelligences avec Versailles et qu'il allait me conduire à la préfecture de police où je m'expliquerais. Je protestai vigoureusement et ma première pensée fut de résister, mais je n'avais pas d'armes. Sur un signe de leur chef, quelques gardes nationaux avaient pris leurs fusils et s'étaient placés devant la porte. J'eus la faiblesse de céder. On me fit monter dans un fiacre. Un garde national s'assit à mes côtés, un autre devant moi, et auprès de celui-là, l'officier qui était venu me chercher dans la gare. Lorsqu'il se fut assis, il prit dans sa ceinture un des 2 revolvers qui s'y trouvait et le tenant à la main, le canon dirigé sur moi. « Si vous voulez vous échapper, me dit-il poliment, je vous brûle la cervelle. » Je n'avais rien à répondre, je regardais par la portière sans m'occuper de mes gardiens. Arrivé à la préfecture, on me conduisit dans un bureau où se trouvait un chef de bataillon qui était en train de peigner sa barbe devant une glace. « Que voulez-vous que je fasse de ce coquin-là » dit-il sans tourner les yeux de mon côté. Mon officier, qui avait laissé ses hommes à la porte, lui parla à l'oreille pendant quelques instants, et ses paroles furent assez intéressantes pour arracher le chef de bataillon à sa contemplation. « Ah ! Vous conspirez avec l'infâme gouvernement de Versailles, me dit-il. Alors votre affaire est faite, bon à tuer. En attendant, je vais vous viser un écrou qui sera serré. » Et il me visa cet écrou en écrivant quelques mots sur une feuille de papier. « Enlevez, dit-il, c'est pesé. » De nouveau, je voulus protester, m'expliquer, mais il me coupa la parole. « Videz vos poches ou je vous fais fouiller. » Je boutonnai mon paletot, mais il appela ses hommes, et ne voulant pas engager une lutte, je vidai mes poches. J'avais quelques billets de banque et mes lettres préparées pour nos soldats. Il saisit les lettres et les parcourut. Alors, se mettant à rire, « Vous ne soutiendrez pas que vous ne conspiriez point, dit-il. » Puis, ayant compté mon argent, il m'en donna un reçu, mais il ne me le rendit pas. « Il ne faut pas exposer les surveillants à la tentation, dit-il. Demain, vous vous expliquerez avec le juge d'instruction. Allez !» Et les gardes nationaux, m'ayant entouré, me conduisit au dépôt. J'étais résigné à subir ce qu'on m'imposerait. Puisque je devais paraître devant le juge d'instruction le lendemain, ce n'était qu'un jour et une nuit à passer. Après tout, je n'avais jamais vu une prison. Cela pouvait être intéressant. Je me mis à examiner la cellule où l'on m'avait enfermé. Elle était assez convenablement meublée, cette cellule, un lit en fer, scellé au mur, une table pliante, scellée aussi au mur par une chaîne solide, et sur une table, un gobelet en fer, une cuillère en bois et un bidon plein d'eau. Avec cela, un parquet ciré et des murs peints à l'huile. Je venais de passer 4 mois aux avant-postes dans de moins bonnes conditions. Mais ce que nous avions aux avant-postes et ce que je ne trouvais plus dans ma prison, c'était la vue et l'air, car la fenêtre s'ouvrait en basistas et ses vitres étaient en verre rayé, pas même la vue du ciel pour distraction. C'était à mourir d'ennui dans ces 4 murs. Heureusement, je n'avais qu'un jour à y rester. À 3 heures, on m'apporta un pain bis et une portion de haricots servis dans une gamelle en fer. Ce n'était pas un dîner bien confortable, mais cela importait peu. Je tâchai de faire causer le gardien, qui me répondit brutalement que j'étais au secret et qu'il n'avait rien à me dire. Lorsque la nuit tomba, il vint m'allumer le gaz sans prononcer une parole. Ce que j'avais de mieux à faire, c'était de me coucher et de dormir. Mais moi, qui dormis partout, à cheval, sous la pluie, dans la neige, dans la boue, sous les balles et sous les obus, je ne pus pas trouver le sommeil dans cette prison. Les plus légers bruits me faisaient sursauter, comme si j'avais été frappé par une commotion électrique. Dans le milieu de la nuit, j'entendis de détonations qui me jetèrent à bas de mon lit. J'écoutais, l'oreille collée à la porte. Il me sembla entendre des gémissements, mais je ne pus pas découvrir d'où ils venaient, de mon imagination surexcitée peut-être. Je m'attendais à paraître le lendemain devant le juge d'instruction. La journée s'écoula, sans que vint mon tour d'être appelé, et cependant, nous avions une sonnette dans notre corridor qui tinta souvent, mais ce ne fut jamais pour moi. Combien longue cette journée! Le soir, quand le gardien vint allumer mon bec de gaz, je lui demandai si je ne pouvais pas avoir du papier et une plume pour écrire. Il me dit que ceux qui étaient au secret n'écrivaient pas, et il referma ma porte sans rien vouloir entendre de ce que je lui disais. Je ne dormis pas cette nuit-là mieux que j'avais dormi la première, car l'inquiétude que j'avais tout d'abord voulu chasser pesait sur moi du lourd poids d'un cauchemar. Si ce juge d'instruction ne me faisait pas appeler, si je ne pouvais pas écrire, je resterais donc enfermé dans cette cellule. Et ce n'était pas seulement à moi que je pensais, c'était encore à vous, chère Thérèse. Combien grande devait être votre inquiétude? Où alliez-vous me chercher? Pas dans cette prison, puisque personne ne savait que j'avais été arrêté. Dans la nuit, j'entendis encore des détonations. D'où venaient-elles? Pourquoi? Sur qui tirait-on? Au milieu du silence, ces questions étaient horribles à examiner. Je ne veux pas vous décrire jour par jour mes angoisses et mes émotions pendant le temps que je passais dans cette cellule. Dès le second jour, je ne croyais plus au juge d'instruction, comme vous devez bien le penser, et je n'avais plus qu'une idée. C'était de trouver un moyen pour vous faire savoir que j'avais été arrêté et où j'étais emprisonné. Alors, par votre oncle, il serait possible sans doute de me faire paraître devant un juge quelconque. Et puis vous sauriez que je n'étais pas mort. J'essayais tous les moyens de séduction auprès de mes gardiens. Un seul consentit à m'écouter, mais sans vouloir me donner le papier et le crayon que je demandais. « On vous a fouillé, n'est-ce pas ?»« Oui. » »« On sait donc que vous n'avez ni papier ni crayon. Si je vous en procurais, il ne serait pas difficile de découvrir que vous les tenez de moi. Et pour toutes les fortunes du monde, je ne veux pas m'exposer à être fusillé. Vous savez, les chassepots partent vite en ce moment. » je voulus qu'il allât vous prévenir de mon arrestation. « Attendez, » me disait-il, « patientez, ça va changer, ça ne peut pas durer comme ça. » Attendre, patienter, cela était facile à conseiller, mais difficile à pratiquer. Cependant, l'espèce de sympathie que ce gardien me témoignait me fit du bien, et ce me fut un chagrin quand son tour de service l'éloigna. J'attendis son retour avec impatience, et je recommençai à tâcher de le gagner. Je crois que j'allais le décider à vous porter la nouvelle de mon arrestation, quand un matin, on ouvrit ma porte, et l'on me dit de faire mon paquet, parce que j'allais être transféré. Mon paquet, je n'en avais pas à faire, puisque j'étais arrivé à la conciergerie les mains vides, n'ayant pour tout linge que celui que je portais sur moi, et dont, bien entendu, je n'avais pas pu changer. Transféré où ? Mais on ne répondit pas à ma question, et l'on me fit descendre dans une cour où se trouvait une voiture cellulaire. Le cocher était sur son siège, et il n'attendait plus que moi pour partir. Des yeux, je cherchais autour de moi à qui m'adresser pour m'envoyer une parole, mais je ne trouvais que des gens en qui je pouvais avoir confiance. D'ailleurs, on ne me laissa pas le temps de faire un choix. « Montez, allons, montez vite !» Une seule cellule était ouverte, mais elle était occupée. Je voulus reculer. On me poussa par derrière et l'on me ferma la porte sur le dos. La voiture se mit à rouler. « Asseyez-vous sur mes genoux, » me dit mon compagnon. « Toutes les cellules ont deux voyageurs. » Il fallait faire ce qu'il me disait, car ces cellules sont très petites et en restant debout, je gênais autant que j'étais gêné moi-même. Je m'assis donc sur ses genoux, mais je me relevai aussitôt car j'avais rencontré un corps dur qui m'avait produit une étrange sensation. Il me semblait que je m'étais assis sur la peau d'un animal, un éléphant ou un hippopotame. « Qu'est-ce donc que cela ? » dis-je. « C'est mon tablier de cuir parce que de mon état je suis cordonnier, et quand on m'a arrêté, on ne m'a pas laissé même le temps de mettre mes habits. Il y a 8 jours que je suis au secret, et vous ?» Puis il me raconta qu'il avait été emprisonné parce qu'il avait refusé le grade de capitaine, ne voulant pas servir la commune, bien qu'il fût pour le peuple et républicain. Il y en a d'autres que moi qui ne veulent pas marcher avec eux. Ainsi, Chamberlain. Il connaissait votre père, chère Thérèse. Nous fûmes tout de suite amis, quand je lui eus dit qui j'étais. Mais nous arrivâmes à Mazas, et nous fûmes séparés, car on me plaça dans une cellule d'attente et lui dans une autre. Je restai près de 2 heures dans cette cellule, et l'on vint me chercher pour me conduire à la cellule que je devais occuper définitivement. Comme je ne devais pas être plus mal à Mazas que je ne l'avais été à la conciergerie, je n'étais pas fâché de ce changement. Assurément, Mazas n'est pas un plaisant séjour, mais enfin c'était autre chose, et j'espérais trouver là une occasion pour vous écrire. Je commençai par demander le directeur. Le surveillant me dit qu'il le ferait prévenir et me ferma ma porte. J'étais dans une nouvelle prison. Celle-là ressemblait à celle de la conciergerie, seulement elle était glaciale. Le lit était remplacé par un hamac, et ce qui me parut bien confortable, l'escabeau par une chaise. Une autre différence, désagréable celle-là, était le remplacement du parquet par un pavage en briques, ce qui contribuait à augmenter le froid de cette glacière. En attendant le directeur, s'il devait venir, je me mis à tourner autour de mon appartement. Mais c'est là un exercice abrutissant, dans un si petit espace. Cependant, je le continuai autant pour passer les heures de l'attente que pour me réchauffer. Enfin, ma porte s'ouvrit. « Attention, citoyen, » me dit le surveillant, « voilà monsieur le directeur. » Le directeur me demanda ce que je voulais. Je lui répondis, « 2 choses, paraître devant un juge d'instruction d'abord, ensuite écrire à ma famille. » Il me répondit qu'il serait fait droit à mes demandes. Aussitôt, je vous écrivis, et par prudence, je ne vous dis que quelques mots. J'étais à Mazas, et je vous priais d'en avertir Soriol. Puis, ma lettre prise par le gardien, j'attendais plus tranquillement. Mon horrible cellule était moins froide, je n'étais plus seul. Mais les jours et les heures s'écoulèrent sans que je visse paraître un juge d'instruction, et sans que rien vînt me dire que vous aviez reçu ma lettre. J'écrivis de nouveau, mais avec moins de confiance cette fois. Je demandai aussi à revoir monsieur le directeur. Mais il ne se rendit pas à ma demande, et l'exaspération de l'attente recommença à me tourmenter. Il était évident qu'on voulait me maintenir au secret. Si je voulais vous faire parvenir de mes nouvelles, il me fallait gagner un gardien. Avec celui qui nous surveille, il n'y avait rien à tenter. C'est un homme à mine rébarbative, qui assurément est geôlier par tempérament. Il aime à faire souffrir les prisonniers et à les tourmenter. Je l'appelle la petite poste, parce que quand nous sortons de notre cellule pour nous rendre au promenoir, il nous force à courir, afin que nous ne soyons pas vus par les détenus devant les cellules desquelles nous passons, et il nous crie d'une voix furieuse, « Allons, la petite poste !» la petite poste, comme vous l'imaginez, c'est un trou allongé. Heureusement, dans le surveillant du promenoir, je trouvai un homme qui devait se laisser gagner si l'offre le tentait. En passant près de lui, je m'approchai et lui dis à mi-voix « 10 000 francs pour vous, si vous m'apportez une lettre rue de Courcelles. » Il fut ébloui. L'offre en effet était belle, mais ce n'était pas le moment de lésiner. J'étais entré dans le promenoir. J'y restais le temps permis, et en sortant, je m'arrêtai auprès de mon homme en me baissant comme si j'avais laissé tomber quelque chose. « En or, me dit-il, en or. Faites votre lettre pour après-demain, et un bon pour les 10 000 francs. Voilà, chère Thérèse, comment je suis parvenu à vous écrire cette lettre, qui, je l'espère, arrivera entre vos mains. Mais ce n'est pas seulement pour vous dire où je suis et pour que vous avertissiez votre oncle de mon arrestation que je vous écris. C'est encore pour vous adresser une prière. Et cette prière, ma chère Thérèse, je vous demande, au nom de notre amitié, de l'écouter. Cette lettre reçue, quittez Paris et emmenez votre père avec vous. Il est en danger ici. Je ne puis vous expliquer en ce moment quel danger il court, mais plus tard je vous les dirai. Pensez seulement à mon compagnon de la voiture cellulaire. Vous ne me refuserez point, et vous aurez égard à la première prière que je vous adresse. Il faut que vous et votre père vous quittiez Paris sans retard. Ne vous inquiétez pas de moi, la protection de votre oncle me suffira. Emmenez, emmenez votre père. J'ai encore 1000 choses à vous dire, et celle-là plus sérieuse que toutes celles que je viens de vous écrire. Mais il me répugne de les toucher en ce moment, car je ne veux pas que plus tard se mêle à leur souvenir une impression pénible. Cependant, comme je veux appuyer ma prière sur un droit qui vous oblige à faire ce que j'exige de vous, je vous demande d'ouvrir le paquet que je vous ai remis au moment de mon départ pour les avant-postes. Vous verrez là, chère Thérèse, au nom de quel sentiment je vous parle en ce moment, et vous y verrez aussi un témoignage de ma vive tendresse pour vous. Pensez à moi comme je pense à vous, Édouard Chamberlain. Une dernière fois, laissez-moi vous recommander encore d'emmener votre père en dehors de Paris. Faites cela, et vous m'aurez donné la preuve que nos cœurs, comme nos volontés et nos désirs, sont unis.